démon. Match draft. Juste une ligne entre le génie et la folie. Le destin m'a dit t'as rien à part ta putain de plume dans cette vie. Dieu merci, j'ai croisé cette fille qui me fait croire que sans moi l'histoire ne saurait s'écrire. Alors depuis j'égorge chaque thème de façon écrite, aussi vrai que Paris s'écrit. Il paraît que c'est le crime qui règne ici. Tim Tim, moi sec, nos West Indies. Mes racines arrachées à leur terre, comme des enfants à leur mère. On a trop bouffé vos pains rassis. On court comme ces bêtes à l'hippodrome pour un os, on assassine. Nos vies sont des spectacles sans place assise. Le coup de la découpe la mesure de façon précise, pour qu'elle ne soit plus jamais dépressive. On est poli jusqu'au seuil de la porte de nos darons. Quart d'heure, les petites pétasses prennent pour les baronnes. C'est un basique, ne fait qu'une bouchée de notre éducation. Emmerder les hauts placés est une passion. À l'Elysée, on fera couler leur mascara jusqu'à ce que s'arrête cette mascarade. Pour ces pantins, le putain de son des bébés révolutions qui n'oublient jamais chaque lionceau devient lion. On exorcise nos démons sur chaque track que l'on démonte. Sans Bible ni crucifix, on vous démontre nos amis à nu, encore des mots, ok damn. On exorcise nos démons sur chaque track que l'on démonte. Sans Bible ni crucifix, on vous démontre nos amis à nu, encore des mots, ok damn. Je suis dans la fleur de l'art depuis assez longtemps pour avoir contribué à quelques phases qu'aujourd'hui j'entends. Toujours on sculpte nos rimes intemporelles. Nos femmes savent que c'est un temps pour nous, un temps pour elles susceptibles. Comme ces ruelles coupe-gorge, si tu nous entends des pensées, nos putains d'idées toutes gore. T'as tellement raison si t'as les frissons. Génération violente comme les programmes à la télévision. Derrière les canines et nos rires d'anges, les démons se cachent. La vie est one man show, check mon sketch. Ouais, je suis plein de douleur, mais ça reste de la merde. J'ai un toit et de quoi damer, je me la ferme. Me revendique putain d'archéologue de la prose. Et à force de cracher nos diableries sur la prod, pense que dans un avenir proche, nos âmes un peu trop sales finissent un peu plus propres. On exorcise nos démons sur chaque track que l'on démonte. Sans Bible ni crucifix, on vous démontre nos amis à nu, encore des mots, ok damn. Nos démons du bon, ils nous motivent. Quand nos anges gardiens se font la malle sans motif. Que la chance soit maudite, dans mes yeux tous lit. Longtemps que je ne compte plus sur elle, mais sur ce que j'ai dans le slip. Toute cause est défendable, reste à choisir son camp. Moi je suis un enfant de la galaxie. Représente mon arbre généalogique. J'ai rien choisi, bouffe ma banane et lèche, me lèche, chie. Dans mes récits, sens-tu la sorcellerie de mon bled. On n'est pas la plaie du monde, mais pour nos blessures je plaide. Est-ce que la terre est prête pour la paix? Main dans la main, imam, ramène. On exorcise nos démons sur chaque track que l'on démonte. Sans Bible ni crucifix, on vous démontre nos amis à nu, encore des mots, ok damn. On exorcise nos démons sur chaque track que l'on démonte. Sans Bible ni crucifix, on vous démontre nos amis à nu, encore des mots, ok damn.